Chapitre 123. La permission pour celui qui souffre de démangeaison de porter de la soie. 810. D'après Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, autorisa Az-Zubair et Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhuma, à porter de la soie, car ils souffraient de démangeaison. Al-Bukhari et Muslim.